change rien et tout de suite, eh bien, on a pris un petit peu de retard, on va le rattraper. C'est avec le chanteur dont la musique qu'on entend derrière nous, il y a plusieurs chansons qu'on écoutera de lui. Il s'agit de monsieur Peter Lodz, qu'on a déjà eu l'occasion d'écouter, et là c'est Je Serai. Et puis on va faire bonjour Peter, bienvenue sur Arc-en-Ciel. Bonjour Sébastien. Peter, enchanté. Eh bien oui, et donc on est avec Dobsy aujourd'hui, et Patrick, notre chroniqueur, et Dobsy, un jeune chanteur. On en parle, mais on écoutera après Dobsy. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Alors Peter Lodz, moi ça fait un petit moment que je diffuse plein de morceaux à toi, on a reçu plusieurs de tes albums. Ouais. Alors Peter Lodz, L-O-D-S, on peut te retrouver sur internet avec plusieurs univers différents, c'est ça que j'ai bien aimé. Tu as une voix là, on entend un petit mix derrière Je Serai, c'est un extrait de l'album. Et donc, c'est ça, un extrait d'album Je Serai, tout à fait. Ouais. Voilà, et là donc c'est le petit remix qu'on a derrière. Et moi, je t'avais découvert, pour te dire, avec l'un des premiers morceaux, c'était le single Dédicace avec les morceaux de Noël. Ouais, et puis, sur le coup, donc j'écoute, c'est super, on a diffusé. Et après, je dis, tiens, j'ai un autre album d'un autre chanteur, j'ai mis, puis j'ai dit, c'est bizarre, cette voix me dit quelque chose. Et quand on regarde les deux pochettes, c'est vrai que ça ne se repampe pas trop, hein, l'album Peter Lodz où tu es avec ton chapeau, et l'album Noël où on te voit de profil. Et là, j'ai dit, mais il y a quelque chose, là-dedans, ça me parle. J'ai recherché, et après, j'ai dit, mais c'est vrai, c'est le même chanteur, et on trouve deux univers différents. Et oui, c'est ça, en fait. Voilà, tu aimes bien avoir l'effet décalé, alors. En fait, c'est pas ça, c'est que moi, j'ai commencé par la musique gospel, en fait, à la base. D'accord. Et puis, en 2010, j'ai décidé par moi-même de faire un album de variété, c'est-à-dire de chansons à texte. Et donc, je me suis lancé à m'entourer d'auteurs-compositeurs. Et puis, j'ai fait un album qui s'appelle Je Serai, avec des chansons de textes de la vie de tous les jours, en fait. Mais à la base, je suis un chanteur qui chante beaucoup dans le milieu gospel. D'accord. Donc, oui. C'est pour ça que j'ai voulu, après Je Serai, j'ai voulu refaire un album dédicace, un album qui parle donc de Dieu, quoi. Voilà. D'accord. Alors, les chansons, tu fais la chanson, la mélodie, tu as rechangé un petit peu, mais tu joues d'un instrument en même temps ? Oui, je joue du piano en fait. En fait, j'ai commencé par la clarinette. D'accord. Étant jeune, solfège, conservatoire, et puis après, étant donné que j'aimais chanter et que je ne pouvais pas chanter et jouer de la clarinette en même temps, je me suis mis à faire du piano. Étant donné que je voyais beaucoup de pianistes jouer autour de moi, ça m'a donné envie, et du coup, j'ai appris le piano tout seul en fait. C'est peut-être un petit peu plus contraignant pour le mettre dans la poche hein, quand on se balade. C'est sûr que c'est pas comme la guitare où on peut l'amener partout quoi. Voilà, c'est un déménagement après à chaque fois. C'est clair. Allez, juste voilà. Une petite seconde, on va s'écouter Marseille aussi, parce que Marseille c'est aussi quelque chose que tu chantes et que tu adores, et puis c'est l'actualité en ce moment, et puis on en retouche un petit mot juste après. Ouais, je viens, ok, ça marche. Et bien Marseille sur Radio Arc-en-Ciel, Peter Lodz, le 96.2. Marseille, chanté à l'instant derrière moi par Peter Lodz. Alors, j'ai vu que c'était marqué Welcome, donc tu veux m'accueillir à Marseille aussi, c'est ça ? Ah bah oui, pourquoi pas. Oui, c'est vrai. En fait, j'accueille tous ceux que j'ai côtoyés dans le passé, parce que moi j'ai beaucoup voyagé aux États-Unis aussi. D'accord. Et du coup, j'ai mis Welcome en anglais, c'est pour ça. En fait. Eh bien oui. Alors dis-nous un petit mot, parce que Marseille, ça, moi j'aime bien ce titre, il bouge pas mal. Bon, il part de Marseille. T'aurais pu faire sur Orléans, on est d'Orléans, nous, mais c'est pas grave. Mais voilà, je voudrais que tu m'en dises un petit peu plus, parce que avec qui tu l'as fait, comment ça t'est venu cette idée de faire une chanson sur Marseille, parce qu'il y en a quand même eu pas mal déjà. D'accord, bah écoute, moi tu sais, j'avais fait une première partie à l'époque de Anne Roumanoff à Martigues. Et j'avais, comment dirais-je, j'ai rencontré à cette époque-là le frère de Chico qui s'appelle Shaib Bouchiki. Shaib Bouchiki. Et Shaib a été très intéressé à travailler avec moi vu que je faisais beaucoup de chansons j'interprétais beaucoup de chansons déjà d'autres auteurs-compositeurs. Et quand il m'entendait chanter, il me disait bah, tiens, ça serait bien qu'un jour tu chantes mes chansons, quoi. Alors il est venu avec ce texte Marseille. En plus, moi, ça me touche Marseille parce que j'ai quand même grandi là-bas. Et j'ai travaillé même à Marseille. Donc du coup, ça m'a touché, les paroles m'ont touché. Et puis voilà, j'ai accepté de collaborer avec lui. Puis voilà, ça s'est fait comme ça en fait. D'accord, bah c'est une belle collaboration. Hey, je connais pas Marseille pour tout dire. Je vais peut-être y aller pour mes prochaines vacances, au moins une ou deux journées. Hein. Il paraît que c'est merveilleux. Ah bah, t'encourage, à voir. T'encourage, ah, bah, vraiment. Ouais, quand je vois les images du clip vidéo, ouais, ça m'encourage à y aller. C'est vrai, franchement. Ouais. Tant mieux. Chanson donne envie vraiment d'aller te voir à Marseille, d'aller t'écouter. Merci. Tu donnes vraiment envie de retourner. Moi, j'ai vécu un peu à Marseille quand j'étais très jeune, et vraiment, oui, c'est une chanson très endiablée, très agréable, qui donne vraiment envie de s'y rendre de nouveau, de voir, de découvrir cette superbe capitale du sud de la France qui est vraiment formidable. Et je trouve que tes paroles sont très endiablées, très agréables, et puis cette petite guitare derrière qui est superbe aussi et qui donne un côté un peu gypsy, ouais, c'est génial. Hein, il faut que tu me l'envoies le morceau parce qu'il faut qu'on le diffuse. C'est Shaib qui avait fait tout ça avec tous les musiciens. C'est pas moi. Hein. C'est super. Mais c'est vrai que Shaib écrit très très bien. J'aime beaucoup. Ouais. Ouais. Bravo en tout cas. Hein. Continue cette lancée. Il faut que tu nous l'envoies ce morceau parce que franchement, moi j'aime bien. Hein. Enfin, qu'on le diffuse plus souvent. Ça c'est vrai. Et Puis bon, je connais un petit peu Chico, donc forcément, moi ça me rapproche automatiquement. C'est un ami à moi, donc forcément, ça me rapproche de la musique qu'on aime bien aussi diffuser. Tout à fait. Oh, oui. Oh génial. Ah oui, d'ailleurs Chico, on lui fait un petit coucou, il sera prochainement à l'Olympia, j'irai encore le revoir, je crois que c'est le mois prochain, début avril de mémoire. Alors figure-toi que moi j'ai été invité aussi parce que je prépare mon troisième album dédicace volume 2 là, oui, en ce moment, et dedans j'ai le violoniste Pee-wee qui joue avec Chico en fait. Pee-wee, bah oui. Voilà. Alors, Jean-Félix Stevelink en fait qui joue avec moi dans l'album. D'accord. Et il m'invite à l'Olympia en juillet aussi, donc on se verra certainement là-bas à Paris alors. Ah bah alors, il faut que je cale ça parce que pour te dire en fait, l'arrangeur hein, de tous les morceaux, le mixage, ça se fait ici sur Orléans, un studio qu'on a, et donc c'est cette occasion-là avec mon ami Karim qu'on connaît très bien, Chico, on va le voir régulièrement, donc voilà, on essaiera de suivre ça. Super. Promis, je cale ça, on va se revoir, on va en caler. D'accord, ça marche. Alors je sais que t'es pris par le temps, donc on va essayer de poser 2-3 petites questions. Alors une question tout de suite, en fait, j'aime bien, c'est Florent Nouvel, qu'on a eu, un artiste juste avant toi au téléphone. On lui a demandé quelles questions tu voudrais poser à Peter Lodz. Alors je te pose sa question, pourquoi tu chantes, qu'est-ce que tu trouves en la chanson, quelles sont les émotions que tu veux faire passer? Bah, en fait, pourquoi je chante, ça va être très simple. C'est vrai que déjà je chante depuis tout petit, c'est quelque chose que voilà, depuis tout petit j'aime chanter devant les gens, j'aimais toujours le contact avec les gens, et surtout petit, quand mes parents me faisaient chanter pour des anniversaires, pour des choses comme ça, ou dans l'église tout simplement, j'aimais voir les gens être heureux dans ce qu'ils écoutaient. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Ils étaient heureux, ils s'appropriaient les paroles, et ça me faisait que du bien de voir ça. Et du coup, je dirais que la chanson, c'est un peu ma vie, quoi, en fait. Je peux pas dire que j'ai appris à chanter ou que j'ai appris à jouer de la musique. C'est venu naturellement comme ça, en fait. D'accord. Ah, c'est vraiment super. Voilà. Une petite musique, la dernière que tu as écoutée, parce qu'on aime bien un petit peu connaître les influences musicales. Quelle est la dernière musique que tu as pu écouter en voiture ou à la radio chez toi qui t'a fait vibrer? Tu dis ça, j'aurais bien aimé la chanter ou me l'approprier ou la reprendre. Bah écoute, une chanson que j'ai écoutée dernièrement, c'est SOS, justement en voiture. D'accord. D'intérieur en détresse. Bah oui. Forcément. Et parce qu'il y a eu une actualité en ce moment, il y a eu une actualité sur justement sur le petit jeune, comment il s'appelait, qui a repris justement SOS d'intérieur en détresse. Oui, Grégory Lemarchal. Lemarchal, tout à fait. Voilà. Du coup, voilà, c'est vrai que cette chanson, quand je l'entends, je me dis un jour j'aimerais bien la reprendre, mais bon. D'accord, voilà, c'est vraiment super. Et alors là, donc on est dans l'actualité, les derniers morceaux sortis actuellement. Où est-ce qu'on peut retrouver ton album? Tu as un petit site, tu as des choses comme ça? Oui, bien sûr, bah, c'est gentil de me demander. Donc j'ai un site qui s'appelle www.pierrelotz.com. Ou sinon, on peut me retrouver sur tous les réseaux sociaux. Et puis on peut se procurer mes albums sur iTunes, Google Play, enfin partout, quoi. D'accord. D'accord, d'accord. Voilà. Des dates de concert, où est-ce qu'on va pouvoir te retrouver aussi en ce moment? C'est plus des showcases, c'est des concerts, vous êtes plusieurs sur scène? Bah justement, j'ai un showcase sur Paris. Enfin, je chante à un showcase le 25 février. D'accord. Je suis juste un invité, hein. C'est sur Paris, hein. Donc c'est le 25 février. Voilà. Toutes les infos sont sur mon Facebook, en fait. Sur ton Facebook. Ah, Pierre Lotz. Voilà. P-I-E-2-R-E. Lotz, L-O-D-S. Voilà exactement. C'est exactement ça. Tout à fait. Et alors, combien il y a eu d'albums ou de singles de sortie depuis? Bah en fait, j'ai sorti donc en 2010, mon premier album Je Serai de 13 titres. Oui. Ensuite, j'ai fait un remix de Je Serai avec 3 titres que vous avez diffusé tout à l'heure. Tout à fait, voilà. Ensuite, oui. J'ai sorti Marseille, et j'ai sorti. Et puis, j'ai sorti dernièrement Dédicace. Et là, je prépare Dédicace volume 2. D'accord, oui, il y a Dédicace. On a deux dédicaces, le 13 titres et puis le Dédicace de Noël. Voilà, il nous manque Marseille et Petit Enfant. Alors, Petit Enfant, c'est aussi un des derniers. Qu'est-ce que ça raconte, Petit Enfant? C'est du vécu? Petit Enfant, c'est justement Shaïb aussi. Alors oui, comment dirais-je, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais c'est vrai que quand des auteurs viennent vers moi et qu'on me propose des textes, j'essaie de chanter des chansons qui me parlent, en fait, qui me collent à la peau, on va dire. Et c'est vrai que je voulais interpréter Petit Enfant parce que c'est un peu moi, en fait, c'est un peu ma vie. En fait, il suffit d'écouter, mais c'est vrai que c'est l'histoire d'un petit enfant qui grandit, qui quitte la maison et qui après devient un homme, un adulte, et qui prend ses choix, et voilà quoi. D'accord. Mais c'était pour encourager la génération de maintenant qui peut-être ne sait plus trop comment manier la vie, quoi. Voilà. D'accord, d'accord. Petite question de... Oui, moi j'aurais une petite question. Déjà, bonjour, parce que je ne sais pas si je t'ai salué, Viter. Donc, j'aimerais savoir, quand tu écris, quand tu composes, si tu es plus de ceux qui font d'abord la musique et qui écrivent le texte après, ou si tu écris d'abord le texte et tu fais la musique après. Allô? Oui. Est-ce que tu m'entends, Peter? Je crois qu'on a eu une coupure avec Peter. Ouais. Ah bah oui, je viens de voir un instant sous les yeux, tu vois. D'accord. La question, on lui a coupé la voix. La question qui tue, voilà, c'est ça. Alors, je vais essayer juste de le retrouver parce qu'en fait, il devait nous quitter à 59. Alors, je vais essayer de le rechoper parce qu'il a une urgence totale. D'accord, on ne pouvait pas l'avoir plus longtemps. Promis, de toute façon, on va retrouver ces morceaux. Je rappelle donc, c'est sur Internet Pierre Lotz ou Peter Lotz, son nom de scène, avec ses différents albums, Je Serai. On va réécouter dans une poignée de secondes, justement, Je Serai et Marseille. Parce que je pense que là, il faut qu'on se le mette vraiment en entier. Ouais. On a Marseille, besoin de soleil, moi, ce que je vois derrière ici, c'est un petit peu grisonnant quand même. Ouais, ça va redonner un peu de. Ça fait pas de mal. Et puis après, eh bien, Dubsy, un petit direct pour commencer, direct. Eh ben écoute, avec plaisir. On va se faire ça comme ça. Allez, ne changez rien, Radio Arc-en-Ciel, il est quasiment midi. Et on se retrouve eh bien, sur les ondes du 96.2, sur le www.radio-arc-en-ciel.fr dans une poignée de secondes. A tout de suite, ne changez rien. A plus. Arc-en-Ciel, la radio 100% libre. Eh bien oui, il s'agissait de Marseille, chanté par Peter Lodz, à l'instant sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel.